12, j'attrape un dic, une feuille. Ce premier jet sera le seul, celui-là je le gratte qu'une fois. Et si j'arrête demain, dans tous les cas j'emporte plein de souvenirs et ce sourire qui leur faisait porter plainte. C'est à l'ancienne, c'est déjà fait 100 000 fois, mais je m'en sèque total, comment leur dire qu'on s'en fout complet. Avant je commençais par ouais, Donny Donzo. Je fais des cascades littéraires sans connaître leur place. Toujours été un cas. Depuis la maternelle, j'en ai été un calme. Je crois que j'aimais péter des câbles en fait, au lieu de passer des caps. Comme dans la chanson, j'avançais en surveillant mes fesses pour parler au futur. Y'a pas de petit futé pour la vie, pas de recette pour la vivre. Mate l'échec et mate pour une victoire. Quoi de neuf, ben j'ai monté mon petit label. Ils pensent qu'on est une bande de jeunes qui se fendent la gueule. Une trajectoire incertaine, ma seule certitude. Je tomberai d'un coup sec, non impossible que je titube. Tu croyais quoi? J'allais pondre le tube de l'été. Rien n'a changé, toujours le même mulet entêté. Y'aura pas de plan comme, y'aura ni clip ni promo. Pour ce son c'est simple, j'en ai ras la prod, j'te promets. Rat de marée, quand je rentre dans mon délire lyrical, le récal et mon carcérisé des caps. S'te plaît, envoie des basses, envoie des claps. Clap, ça claque, envoie une feuille, envoie une clope. Clope. Que je grattais d'école, comme à l'époque de l'école où la vie était conique, tournée de baf au comique. C'est fou, croiser les mêmes potes, assis sur les mêmes spots. Depuis Tipeee, j'hallucinante, ville lancinante, n'est-ce pas? Ville lancinante, n'est-ce pas? 12. J'ai tellement la sur ma tombe, c'est un vrai bordel. La vie que j'ai, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. C'est à l'ancienne, c'est déjà fait 100 000 fois. Mais je m'en tape total, comment leur dire qu'on s'en fout complet. Alors on voit les violons, les pianos. Je passe pas sur la prod, j'la violente. Dérangeant comme une étrange proche de Vioc. Traditionnel, bavure verbale, pâle. Mes mots taillent des costards comme les gilets sont barbales. Barbare, j'ai retenu l'avenir quand il s'est enfui. Mais trop tard, il paraît que j'ai raté son coup de fil. J'ai vu les mecs faiblir, dériver en mode mauvais film. Quitte à être en enfer, autant prendre le diable en fit. Voilà comment une génération passe à la trappe. Après le shit, la coque, mais dis-moi pote, à quand le crack? Hein? Pour quand l'apocalypse? Pour toi bientôt, avec un gros calibre caché sous le manteau. Tout ne tient qu'à un fil et je suis placé pour le savoir. En tant que gars qui pose, en sachant bien jusqu'où porte sa voix. Considère donc ce son comme une bouteille à la mer de plus. Un jour je te jure, tu sais qu'on m'emmerderont plus. Considère ce son comme un simple polaroid. Ou quand l'amour des mots signe l'arrêt de mort des modes. Un puzzle aux pièces manquantes, rapiécé de partout. Incrédule quand je vois mon parcours atypique. Le destin me conduit sans ceinture logique. Que je passe à travers le pare-brise quand il file. On quantifie le succès, mais sûrement pas le bonheur. Ma nouvelle paire de skates, bah suffit pas pour faire peau neuve. 12. Gravissime le monde, quand je pense que ce qui les choque c'est les rappeurs et leurs mots. On doit pas vivre les mêmes trucs, je crois. Non, je crois qu'on doit pas voir les mêmes trucs, quoi. 12, on verra bien la suite. Petit ramoneur des mots, les mains dans la suite. Les mains dans la suite. Voiture mortis, bassite au platine. Sosigno pauvre, pas rentable à Vissori. Donny Donz,